balle. Chaque instant partagé, la fête s'installe. Je lance le beat, le chat s'enflamme. La basse frappe fort, on met l'ambiance. Chaque mot résonne, chaque phrase frappe. Rider Skillman, le son claque. Les viewers spamment, la famille grandit. Une énergie pure, rien ne s'évanouit. Le rythme est là, la nuit est jeune. Dans ce live, personne ne freine. Pulsation du stream, le son qui bouge. Avec Rider Skill, la vibe s'ajoute. S'anime, les cris fusent, le flow explose, l'énergie s'infuse. Un son brut mais toujours sincère, chaque live est un vrai mystère. Les haters passent mais on reste soudés, Riders qui guide, rien n'est brisé. Les viewers fidèles, la team en place, chaque session est une grâce. Sur pulsation du stream, le son qui bouge. Avec Riders qui, la vibe s'ajoute. Chaque son frappe, le live est chaud, la vibe attaque. On rigole, on clash, on se soutient. Dans ce stream, c'est notre lien. Les viewers présents, la famille forte. Unis par le son, la musique emporte. Le flow monte, la nuit s'enflamme. Riders qui brillent, la vibe réclame. Une pause rapide, un souffle partagé, le live rythme 5. Avec Riders Kill, la vibe s'ajoute. On passe lourde, voix enflammée, on danse ensemble, la nuit est sacrée. On rit, on partage, on lâche rien. Sur Twitch, c'est Riders Kill qui tient. Une pause rapide, un souffle partagé, le live respire, l'énergie chargée. Demain revient, on reprendra, avec Riders Kill, rien ne s'arrêtera. Pulsation du stream, le son qui bouge. Avec Riders Kill, la vibe s'ajoute.